sens que ton cœur a laissé un sillage dans le noir. Je revois quelquefois ton visage. Tu me manques tellement, tu t'éteins doucement. Et ton âme s'est fait remporter par le vent. Ton absence dans mon cœur a laissé un sillage dans le noir. Je revois quelquefois ton visage. Tu me manques tellement, tu t'éteins doucement. Et ton âme s'est fait remporter par le vent. Je donne naissance à une goutte d'eau. Comme toi, elle s'en est partie jusqu'au ruisseau. Je ne peux rien faire, je me sens si faible. Avec toi est parti un bout de mon être. À l'horizon, le ciel change d'attitude. Les nuages arrivent tristes, pleins de solitude. Ils se vident de leurs pleurs. Simplement parti trop tôt, parti avant l'heure. J'aurais beau me débattre, je l'ai perdu mon combat. Au fond, je sais très bien que plus rien ne te ramènera. L'aube se lève et les fleurs sur ta tombe s'épanouissent. Et sur ma feuille, ton absence se fait ressentir. Ton absence dans mon cœur a laissé un sillage dans le noir. Je revois quelquefois ton visage. Tu me manques tellement, tu t'éteins doucement. Et ton âme s'est fait emporter par le vent. Ton absence dans mon cœur a laissé un sillage dans le noir. Je revois quelquefois ton visage. Tu me manques tellement, tu t'éteins doucement. Et ton âme s'est fait emporter par le vent. T'as quitté ces terres trop vite que mes remords s'agitent. Depuis tu es parti, mes yeux palpitent. Aucune anesthésie prescrite contre ce maquis. J'ai toujours ma grippe, j'arrive pas à stopper cette douleur hémorragique. Trop de regrets, perdu mes nuits, ça tourne pas rond. Comment évacuer ce mal-être que j'ai dans le cœur, un cri si profond et le tien que je n'ai pas eu le temps de lire, qui je sais aurait eu de belles histoires à me dire. Je me souviens de cette flamme qui brûlait en toi sans préliminaire. Une chose qui change ton quotidien avec une autre atmosphère. Avec toi la vie avait un autre sens. Les moments passés ensemble étaient pour moi une véritable renaissance. C'est à l'aube d'une autre nuit sans lune que je prends ma plume. Et si j'écume ces photos qui maintenant auront un autre paysage. Ce texte est pour toi bien plus qu'un hommage. Cherche que mes pensées seront gravées à jamais sur ton lit de marbre. Ton absence dans mon cœur a laissé un sillage dans le noir. Je revois quelquefois ton visage. Tu me manques tellement, tu t'éteins doucement. Et ton âme s'est fait emporter par le vent. Ton absence dans mon cœur a laissé un sillage dans le noir. Je revois quelquefois ton visage. Tu me manques tellement, tu t'éteins doucement. Et ton âme s'est fait emporter par le vent. J'écris des textes éphémères, déteste le goût amer que tu vas laisser. On nous quitte, tant tu sais. Je ferme les yeux et ne vois plus ton visage. Le soleil m'aveugle, je ne te vois même plus dans le mirage. Ta disparition me fait rage. Après la pluie vient le beau temps, et après le beau temps vient l'orage. Je pense sincèrement ne pas avoir le courage d'écrire ce morceau. Je sais que ça paraît lâche, mais j'ai pas les mots, du moins pas ce qu'il faut. Avec toi même le silence chanterait faux. Les mots me manquent, noir est mon encre. Ce soir ma plume est en guerre, c'est ta présence qui me rend. J'en vu le temps que j'ai passé sur ce 16 mesures. Je pleure mais ton absence un jour m'aura lu. Si je tombe et m'efface, me relève et m'attache. Mon cœur est blanc, c'est ta mort ce soir qui lui fait tâche. Ton absence dans mon cœur a laissé un sillage dans le noir. Je revois quelquefois ton visage. Tu me manques tellement, tu t'éteins doucement. Et ton âme s'est fait emporter par le vent. Ton absence dans mon cœur a laissé un sillage dans le noir. Je revois quelquefois ton visage. Tu me manques tellement, tu t'éteins doucement. Et ton âme s'est fait emporter par le vent. Ton absence dans mon cœur a laissé un sillage dans le noir. Je revois quelquefois ton visage. Tu me manques tellement, tu t'éteins doucement. Et ton âme s'est fait emporter par le vent. Ton absence dans mon cœur a laissé un sillage dans le noir. Je revois quelquefois ton visage. Tu me manques tellement, tu t'éteins doucement. Et ton âme s'est fait emporter par le vent.